1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. J'arrive, j'suis ambiancé, sort ta cam, commence à filmer. Sur ce tempo, j'vais tout donner, bouger de façon coordonnée. Apprécie le mouvement, j'place tous mes mouvements, j'enflamme le dance floor du soir à l'aurore. J'ai parti l'énergie comme un tour de magie. J'arrive, j'fais danser les cardiaques sur un son qui a de l'impact. Sur ce CD, bouge ta tête, mets tes 500 en éveil. Mouvement de l'épaule. Gute Nacht. Ok, écoute ça, c'est 2010, c'est nouveau. Jamais entendu, jamais perçu. J'arrive, je suis ambiancé, sors ta cam, commence à filmer. Sur ce tempo, moi et le refrain, on va tout donner. Danser de façon coordonnée, apprécie le moment. Car on place tous nos mouvements, on enflamme le dance floor. Du soir aux aurores, hey mon gars, écoute ça. On fait partie d'énergie, comme dans un tour de magie. On réveille les cardiaques, sur un son qui a de l'impact. Sur ce son, mets tes 500 en éveil. Tête sur le déco, mouvement de l'épaule. Tout le monde voit que t'as le contrôle. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.